Beaucoup de questions. Comment y parvenir à aller à l'essentiel? On pourrait sûrement faire deux conférences, peut-être trois, peut-être quatre. On commence par une. C'est ça. Alors, quels sont les caractères qu'on pourrait reconnaître qui fait le Québécois? Puis, on va commencer comme ça. Bah, disons évidemment qu'il y a plusieurs sortes de Québécois. Traditionnellement, le Québécois est un bon vivant, qui mange des bines, qui boit de la bière, qui sacre plus qu'un chartier. C'est une personne qui, normalement, lorsqu'il voyage sur la planète, est bien accueillie. Si on a le drapeau canadien sur un sac à dos, ça passe. Si on a le drapeau américain, on risque de trépasser. Et si on a un drapeau québécois, bien souvent, même si les gens dans différents pays ne savent pas où est le Québec, c'est un symbole d'amitié. Il y a des pays sous-développés où j'ai été, où on a des villes qui portent des noms comme Lago de Atitlan, par exemple, ou Panachel. Et dans le langage populaire de là-bas, ça va s'appeler Québec-Ténango, l'endroit où vit le Québécois. Bon, c'est évident, quand on arrive là, il y a une taverne tenue par des Québécois, il y a une brasserie tenue par des Québécois, il y a un hôtel tenu par des Québécois. Et si on veut parler français dans une région où on parle espagnol, ben on va à Québec-Ténango. Au Mexique, il y a une autre place, c'est Cacapulco, que plusieurs connaissent bien aussi. C'est le terme, d'ailleurs, que les Mexicains vont prendre pour la place. Le Québécois, lorsqu'on le reprend dans son endroit d'origine, va être un être relativement individualiste, c'est-à-dire que c'est un peuple qui ne se tient pas énormément entre lui. C'est un peuple qui veut être nationaliste et qui ne veut pas l'être. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, se poser la question pourquoi la séparation n'a pas eu lieu lorsqu'on a eu un référendum. Est-ce que c'est parce que le Québécois voulait absolument rester, canadien, ou si c'est parce que le Québécois se foutait carrément d'être canadien ou québécois, ce qui fait que tant qu'à ne pas vouloir être nationaliste québécois ou canadien, ben pourquoi changer? Alors, on vote non, parce que de toute façon, on vote non tout court aux nations. Le Québécois est un être qui, évidemment, reste collectif comme toutes les nations sur la planète. Sauf que c'est un être qui a un drôle de collectiviste. J'ai déjà fait des parallèles entre les Chinois et les Québécois et c'est un peu similaire. Chaque fois qu'un peuple a envahi la Chine est restée la Chine, mais le peuple est devenu chinois. Lorsque les Mongols ont descendu en Chine, les Mongols sont retournés dans leur pays et ils étaient chinois. Lorsque les Japonais vont en Chine pour les envahir, lorsque les Japonais retournent chez eux, ils amènent avec eux du chinois, tandis que la Chine reste la Chine. Lorsque les Anglais vont en Chine, ben lentement, les traditions chinoises sortent, les arts martiaux sortent, le Tai Chi Chuan sort, mais il n'y a rien de british qui reste en Chine. Chaque fois que la Chine est envahie par un conquérant, ça peut être, on en a eu plusieurs qui ont, à un moment donné, voulu conquérir la Chine. Prenons l'exemple de certains Marco Polo, par exemple, qui va en Chine pour amener ceci ou cela. Lorsqu'il revient dans son pays, ben là, c'est la Chine qui revient avec lui. Hein? Alors donc, le Québec, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que le Québec est entouré d'une population planétaire qui, évidemment, pourrait l'envahir. Ce n'est pas un pays comme tel, c'est une province. Sauf que ce Québec porte deux noms. Il y a le Québec ésotérique, K-E-B-E-K, donc qui se lit Québec dans les deux sens, et qui normalement va faire, on peut le retrouver ce mot dans certaines prophéties qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Égypte, qui viennent de l'Antiquité. Et on a le Québec Q-U-E-B-E-C, évidemment, qui est l'appellation plus exotérique, c'est-à-dire l'appellation plus populaire de cette province. Il y a la province de Québec politique, et c'est surtout là que présentement se vit un tumulte de l'évolution, de la transition, et il y a évidemment le Québec réel, le KEBOK, qui est le bouclier canadien. Lorsque l'on parle du Québec, du Québécois, évidemment, on pourrait parler de l'ensemble de ceux qui sont sur le bouclier canadien et qui vont y demeurer dans les années à venir. Parce qu'évidemment, il y a des individus qui sont sur ce bouclier qui vont le fuir dans les années à venir. Il y aura donc une migration vers le Québec, KEBOK, vers le bouclier canadien, et il y aura une migration hors du Québec, dépendant des individus. Prenons l'exemple du Québécois, parce que c'est à partir de la province de Québec que va naître cette race nouvelle, c'est-à-dire que va naître cette espèce de société plutôt transitive vers quelque chose de totalement nouveau. Alors, on va donc parler des Québécois tels qu'on est présentement dans cette province de Québec. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le phénomène politique. Les limites ne sont pas nécessairement régies par les limites politiques, mais disons que pour l'instant, on est à Montréal, on va parler du Québécois du Québec. Du Québec, mais est-ce qu'il peut y avoir des Québécois hors Québec? Donc, il faut faire attention. Il y a deux termes. Il y a le Québécois, K-E-B-E, etc., qui va vivre un peu partout sur la planète. La majorité sont au Québec, Q-U-E-B-E-C. Et ces Québécois, K-E-B-E, etc., vont évidemment migrer vers le Québec ésotérique, c'est-à-dire le quand on parle d'ésotérique, faut pas avoir peur non plus. Quand on ésotérique, c'est un mot relativement intéressant qui veut simplement dire qui a trait aux choses cachées. Alors si on regarde la CIA, la GRC, c'est souvent des sociétés secrètes extrêmement ésotériques. On ne sait pas tout de ce qui se passe chez eux. Même le gouvernement peut être espionné par ces sociétés secrètes qui sont les polices nationales. Alors ésotérique, ça peut vouloir dire ce qui provient de l'intérieur, ce qui provient de l'homme. On a donc un catholicisme ésotérique, on a des chrétiens ésotériques, on a donc de ce genre de choses. Et lorsqu'on parle d'exotérique, c'est ce qui est révélé à l'extérieur. Donc normalement, si on regarde par exemple le phénomène de la politique, ce que l'on connaît dans les journaux du phénomène politique, c'est exotérique. Et ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas que l'on connaisse, c'est ésotérique. Lorsque je parle du Québec ésotérique, je fais donc référence à un Québec qui n'est pas politique, mais qui est connu par la haute tradition, qui est connu depuis l'Antiquité, et qui est connu évidemment par beaucoup d'individus qui sont un petit peu d'avant-garde dans leur perception au niveau planétaire. Le Québécois d'ici est un être qui ne se tient pas. C'est-à-dire qu'évidemment, comme toutes les races, lorsqu'on déménage dans un autre pays, on se tient un peu parce que la peur nous colle. Nous colle aux fesses, puis nous colle aux autres. Bon. Maintenant, ici, le Québécois est un être qui ne veut pas trop se parler, n'a pas beaucoup d'amis. On va essayer de parler de ce Québécois qui, traditionnellement, fête le Nouvel An en grande famille. C'est un fait. Tout le reste de l'année, souvent, ne se voit pas, par exemple. Donc, preuve de ce phénomène. Il y a encore des vestiges de la tradition qui hantent encore le cœur des Québécois. Mais de plus en plus, les jeunes, comme les moins jeunes, ont une tendance à vouloir être de plus en plus individuels dans leur vie, dans leur pensée et automatiquement dans leur société. Ça crée évidemment de gros problèmes. On a des sociétés comme celle du Québec où personne se tient. Si au Québec, tu dis que tu es riche, tout le monde veut te démolir. Si tu dis que tu te plains, que tu souffres, tout le monde veut que tu t'en ailles ailleurs. On vit une société qui de plus en plus a comme une tendance à se désagréger au Québec. Il y a presque plus de naissances au Québec et c'est tout à fait normal pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Mais cette vision d'un Québec qui ne se tient pas, on n'arrive pas à être nationaliste ou provincialiste, on n'arrive pas à se brancher sur des choses, on n'arrive pas à, par exemple, avoir une force suffisante au niveau de la pollution par les pluies acides qui attaque directement le territoire du Québec, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas trop. Bon, le Québécois présentement est une nation, c'est-à-dire que si on créerait une nation avec le Québec, on aurait sans doute de gros problèmes, ce serait sans doute la nation sur la planète qui se tiendrait le moins. Mais quelle est l'origine justement de ce phénomène du Québec? Qu'est-ce qui fait que, ésotériquement, ça s'est produit, ça, le Québec? Et bon, pourquoi? Le pourquoi, oui. Tout le monde, vous connaissez tous un homme qui s'appelait Adolf Hitler. Et ce bonhomme, à un moment donné, a eu la hantise du Québec. Il a eu des rêves, il a été manipulé par le prieuré de Sion, il a été manipulé par des forces astrales, c'est-à-dire par les forces de la conscience collective planétaire, il a été manipulé par la religion juive. D'ailleurs, Adolf Hitler était mis en juif. Et à un moment donné, il s'est dit, il y a une race nouvelle qui doit apparaître sur la planète Terre, une race qui devrait s'appeler la race aryenne. La race aryenne, c'est la première race indo-européenne, donc c'est la première race blanche à être apparue sur le contexte de notre planète il y a quelques milliers d'années. Et c'est de cette race indo-européenne que va découler toutes les autres sous-races de cette race mère blanche, donc la race, ce qui va constituer l'Égypte, l'Europe, etc., jusqu'à la race teutonne, la race viking, dont la majorité des Québécois sont descendants. Là, on parle surtout de génétique. On parle de génétique, mais on va aussi parler de tellurie. Et ça, c'est deux phénomènes qui, normalement, on va l'étude des migrations sociales, des guerres au niveau des humanités, on étudie toujours le caractère psychologique de l'individu, le caractère psychologique des peuples, le caractère aussi, disons, géographique, c'est-à-dire qu'on peut manquer de terre, on peut manquer d'aliments, on peut manquer de viande, on peut manquer d'eau. Donc, les territoires de chasse, les territoires de culture. Mais on ne fait jamais référence au phénomène tellurique dans ces migrations comme dans ces guerres. Parce que les guerres sont habituellement engendrées par une migration d'un peuple qui est refusée par un autre peuple qui occupe un autre le même territoire. Donc, le Québec, ce qu'on va retrouver d'intéressant là-dedans, c'est que Adolf Hitler avait eu, il savait vibratoirement, mais il savait tout croche, c'est-à-dire qu'à cette époque, un être humain ne peut pas savoir plus que c'est une certaine dose de savoir. Cet être humain, Adolf Hitler, a été hautement manipulé par des forces d'évolution qui étaient manipulées, eux, par des forces d'évolution. La Deuxième Guerre mondiale a été extrêmement intelligente. Elle a obligé les races à devoir fuir leur pays, venir en Amérique, se mêler co-sanguinement, donc mêler leur sang ensemble, de façon à engendrer génétiquement une race humaine d'autant plus forte qu'elle proviendra de différentes ethnies génétiques. Les humains de l'époque donc les humains, disons, avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième encore, étaient des êtres humains qui vivaient toujours dans des clans. Alors, on avait l'Italie, on avait l'Allemagne, on avait ceci, on avait cela, on avait cela, on avait cela. Ce qui a peuplé les États-Unis d'Amérique, ça a été évidemment les Anglais mélangés avec toute la race amérindienne qu'on avait ici. Ça a été des mercenaires anglais, des mercenaires écossais, des mercenaires irlandais. Ça a été évidemment toutes les déportations de prisonniers qu'on avait en France. Parce qu'il faut comprendre que la France, souvent, les bandits, les prisonniers, les envoyaient au Québec, tandis qu'Angleterre envoyait des forces militaires, et c'est pourquoi, évidemment, les Anglais ont les 90% du territoire du Nord-Américain. Parce qu'évidemment, les bandits n'étaient pas intéressés à coloniser. Et ce qui est intéressant, c'est que notre race vient pour la majorité au niveau génétique de toute la lie de la population planétaire évoluée de l'époque, c'est-à-dire que la grande majorité, on a des familles, par exemple, qui vont porter le nom de roi. Et ce sont des familles qui étaient justement royales à l'époque de la France. Lorsqu'ils ont été déportés ou lorsqu'ils se sont sauvés, leur nom, certains ont continué à conserver leur nom, d'autres l'ont changé, la majorité ont changé leur nom. Mon nom, moi-même, vient de mercenaires écossais. Alors, ce qui fait qu'on a donc une population qui va être constituée de gens qui sont d'authentiques marginaux à l'échelle des sociétés, n'est-ce pas? Ce qu'on avait, c'est que le Québec français a été colonisé comme ça. Le Québec anglais différemment, je le répète. D'ailleurs, l'Australie a aussi été colonisée longtemps par les bandits, c'est-à-dire que le bagne planétaire était l'Australie. Pendant un grand bout de temps, le bagne planétaire était le Québec. Bon, les Anglais, ayant une puissance plus forte, ont pu coloniser ailleurs, mais le Québec est resté français parce que, de toute façon, on n'a pas réussi à assujettir le Québécois à une authentique société, disons une nationalité, une authentique nation. Étant donné que la majorité des souches de racines québécoises sont des personnes qui étaient tout à fait marginales, de grands marginaux, et le Québec ne pouvait pas être une nation qui, à un moment donné, viendrait se fusionner, comme la France, par exemple, où on parle que de la patrie, où on est prêt à mourir pour la patrie. Lorsqu'on va aux États-Unis, on peut découvrir que dans beaucoup de cours, on a le drapeau américain. Mais au Québec, à part quelques illuminés, ou les hommes politiques, évidemment, on n'a pas beaucoup de drapeaux canadiens ou québécois. Bon, c'est sûr que lorsqu'on parle du nationalisme, il y a une ferveur à un moment donné dans le cœur de certains Québécois où ils veulent devenir soit faire un pays du Québec, soit ils veulent conserver, disons, leur nationalité canadienne. Et là, on aura les drapeaux qui vont apparaître. Mais ça ne reste pas là, ad vitam aeternam. Bon, dans la majorité des pays, on a une espèce de nationalisme absolument effarant qu'on ne retrouve pas dans la province de Québec. Le Québec ayant été constitué, disons, génétiquement d'un mélange teutonique, d'un mélange amérindien, qui a d'ailleurs été mélangé à la race teutonique, la race des Vikings, qui était ici bien avant Jacques Cartier et tous les autres. Et lorsque on regarde simplement la racine souche de la province de Québec au niveau humain, la majorité sont des individus qui ne peuvent pas vivre dans un groupe, ou ils vont vivre dans un groupe en étant le chef. Alors, on a beaucoup de bandits, on a beaucoup de mercenaires, on a beaucoup de personnes qui vont fuir l'Europe, qui vont fuir l'Angleterre, qui vont fuir, disons, ces pays. Et ils ne sont pas nécessairement tous des bandits. Il y en a beaucoup qui vont fuir parce qu'ils ont ce goût majeur de coloniser. Et étant donné que la France n'a jamais envoyé réellement des colons bien bâtis, ce que l'Angleterre a fait, on n'a pas eu énormément. On se ramasse avec des personnes qui vont constituer une société très particulière au niveau du contexte planétaire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement marginaux que même entourés d'Anglais sur tous les côtés, ils restent français. Ils gardent leur structure française. Ils gardent des structures tout à fait différentes, particulières. Je voyage dans plusieurs pays et encore là, le Canadien, chapeau. Le Québécois, c'est poignée de main. L'Américain, ben là, c'est autre chose. Bon, tu vas dans une ville marché, par exemple, et tu vas un dimanche où les touristes arrivent par autobus. C'est une ville qui est vide ou presque vide la semaine, mais le dimanche, c'est les touristes qui arrivent. Alors, tu viens pour acheter un poncho. Alors, on va te dire, ça coûte 120 $ américains. 120 $ américains, ben c'est extrêmement cher, évidemment, là-bas. Le gars, il gagne jusqu'à 75 cents américains par jour pour travailler. Alors, 120 $ américains, comme ça, d'une claque, ça crée de l'inflation, hein? Les manteaux vont grimper. Alors, il me parle en anglais, à peine. Tout ce qu'il sait dire, c'est « Hello, how are you? » Puis, il part à rire, bon. Alors, moi, je lui parle en espagnol, puis là, je l'engueule. Puis, je lui dis que dans son pays, il devrait parler espagnol parce que c'est l'espagnol qu'on parle dans ce pays-là. Puis, si les touristes sont trop caves pour apprendre deux langues, ben ils ont juste à pas comprendre, ça finira là. Mais le problème de pas comprendre, c'est le touriste qui devrait le vivre, pas le peuple. Là, il me demande d'où je viens. Je dis « Je viens du Québec ». Il sait pas où ce que c'est, mais il sait que c'est en haut, il pense que c'est au pôle Nord. Bon. Alors, je lui explique un peu où ce que c'est. Et puis, le poncho, je l'ai pour 5 $. Et 5 $, je sais que le paysan le paye un peu moins cher. Mais à rentre 120 $ et 5 $, ça va. Mais lui, ce qu'il m'explique, c'est que oui, mais tu sais, moi, je le mets 120. Puis de toute façon, une personne trouve ça trop cher, elle s'en va. Mais il y a toujours un cave, un gringo, ça c'est typiquement un étranger détesté, normalement américain, qui passe et qui l'achète. Bon, alors tout le monde s'en fout. Dans la semaine, tu vas acheter les mêmes choses, ça coûte rien. Le dimanche, ben, c'est préférable de t'asseoir, prendre des photos puis rire que de vouloir magasiner, puis ça n'a plus de sens. Tu vas quelque part, t'achètes une authentique statue Inca, tu repasses le lendemain, puis t'es encore là. Alors, tu peux en acheter régulièrement. Il y a une fabrique d'authentiques statues Inca pas loin dans le village, et puis ça fonctionne. Bon. Si c'est intéressant, en tout cas, il y a plusieurs phénomènes dans le genre. On te vend des bananes. Tu es Québécois, ça se sent, et là, le vendeur ramasse 2-3 bananes, ils sont coupés. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Maladie, dangereux. Mais pour les gringos, souvent, pas de problème. Tourista, médicaments, ça marche. Bon. Or, le Québécois reste planétairement quelque chose d'extrêmement différent, et ça, qu'on le veuille ou non. À un moment donné, il y a celui qui faisait des insolences à la caméra aux États-Unis, je connais pas son nom. Il a pris 2 valises, il les a remplies de plomb. Il a pris une belle petite jeune fille, là, bien, bien, bien moulée, là, presque en tout nu jupe. Et puis, il l'a déposée en Allemagne, à l'aéroport, et puis là, avec ses 2 valises, puis là, elle faisait comme si c'était un peu pesant. Il y a plusieurs Allemands qui se présentent, n'est-ce pas, des machos, ramassent ses valises, pas capables d'élever. Là, ils viennent en colère, ils deviennent un peu fous, ils se forcent, mettent un casque, le chariot. En France, on engueule carrément la fille, parce qu'on n'a pas d'idée de se promener des valises comme ça. En Italie, c'est à peu près le même phénomène. Alors, ils ont fait l'expérience un peu partout, puis au Québec, c'est la seule place qu'ils se sont rendus compte que les gars sont pas capables, puis ils partent à rire, puis ils se tapent, puis ils rient, puis ils rient, puis ils rient. Alors, c'est la seule place où les Québécois, où l'humain qui se faisait prendre au piège riait de lui. Tandis que partout ailleurs, où on gueulait contre la nature, contre Dieu, contre les valises, contre la bonne femme, contre tout ce que tu voudras, mais bon. Évolutivement, sur le plan planétaire, d'où vient justement ce phénomène? Est-ce qu'on l'a pas planifié? Est-ce que monsieur le comte de Saint-Germain a pas un petit quelque chose à faire avec ça? Non, le comte de Saint-Germain n'a rien à faire avec ça. Il a évidemment fomenté la Révolution française, il a forcé la signature de l'indépendance américaine. Il a inventé le maquillage pour les femmes, il a inventé la locomotive, il a fait plusieurs choses, mais il n'a pas rien à voir, c'est-à-dire qu'il aura un travail disons à faire ici, mais pas comme c'est pas lui qui l'a programmé. Pour arriver à comprendre le phénomène du Québec, on se doit de sortir un peu du cadre typiquement cartésien ou matériel de nos connaissances, parce qu'on ne peut pas comprendre un phénomène planétaire en regardant seulement son nombril. Bon. Il y a eu des peuples qui ont eu des apothéoses magistrales. Il y a eu la Rome, par exemple, qui a été la première véritable nation, si on peut dire, à bâtir des chemins, des services de communication, des services d'égouts, des aqueducs. Un service, on regarde souvent, je compare les États-Unis d'Amérique à la Rome, ben on a effectivement le Sénat, on a le César ou le président n'a pas tous les droits parce qu'il y a encore le foutu peuple en sénateur. Il y a toute une panoplie de choses qui sont similaires, mais on peut s'amuser à observer, par exemple, d'une façon plus, non pas spirituelle, mais peut-être plus évolutive, plus énergétique, l'évolution des nations. Et il y a toute une chronométrie qui fait qu'à un moment donné, on aboutit quelque part sur la planète Terre, et ce sera au Québec. On peut, par exemple, juste prendre conscience qu'une nouvelle nation naît habituellement sur un territoire qui, avant, était inoccupé par des grandes puissances. Lorsque Romulus et Romulus ont fondé Rome, il n'y avait presque rien sur le territoire d'orchestrer, de coordonner. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas vécu de grandes guerres, mais sur le territoire, par contre, ils y ont participé. Les Canadiens y ont participé un peu moins, à Dieppe et à certaines autres places, mais quand même beaucoup moins. Le Québec, à peu près pas. Et lorsque on a quelque chose de neuf qui naît, et ça, on peut le constater historiquement, ça a toujours été sur un territoire qui n'a jamais vécu, humanitairement parlant, de grandes choses. Sur le contexte de notre planète, à moins, évidemment, qu'on envisagerait l'émergence d'un continent, il ne reste que ce bouclier canadien, c'est-à-dire que cette partie nord de l'Amérique du Nord. Maintenant, on peut faire d'autres références. À un moment donné, il y a des chercheurs qui ont commencé à vouloir fouiller dans l'océan Pacifique à la recherche de preuves prouvant qu'il n'y avait jamais eu de continent là. Dans le fond de cet océan, ils ont découvert les restes d'un petit singe, le singe lémur, et ce singe lémur serait, disons scientifiquement, possiblement l'un des premiers ancêtres de l'homme moderne d'aujourd'hui. Ils ont donc appelé ce continent Lémurie, en référence à différentes choses, et prouvant, recherchant une preuve que ça n'existait pas, ils ont prouvé qu'il y avait un maudit problème, peut-être ça l'avait existé. L'Atlantide, on va dire, ça n'existe pas. Par contre, lorsque Homer parle des géants cyclopes qui vivent sur des îles comme Poséidonis, d'ailleurs, qui est l'une des grandes îles du continent atlantéen, il parle de certaines choses, Ulysse va même atterrir en Atlantide, et à un moment donné, on va dire, ça c'est parce que c'est un romancier. Sauf qu'Ulysse revient d'une guerre, la guerre de Troie. Et cette guerre de Troie, il se trouve que la ville de Troie devrait être, faisant partie du roman, doit être aussi illusoire. À un moment donné, Schliemann, qui se promène avec l'Iliade et l'Odyssée sous le bras, découvre une ville qu'il pense à être la ville de Troie. Après des recherches, on va découvrir 13 villes bâties l'une sur l'autre. Après des catastrophes, on a rebâti la ville. Et effectivement, c'est la ville de Troie. La ville de Troie est prouvée scientifiquement, maintenant on la reconnaît, et il reste maintenant à voir si le reste de l'histoire fait partie encore de la fantasmogonie, disons, d'Homère, ou fait partie d'une réalité, l'Atlantide. On a différentes preuves qui peuvent mettre, par exemple, en évidence le fait qu'on a retrouvé des ossements de jaguars et d'éléphants en Amérique du Sud, et il n'y a pas de ces animaux. Le fait, par exemple, que le cheval, l'écus, soit venu au monde en Amérique, et qu'à un moment donné, il a disparu totalement de l'Amérique, et c'est les Espagnols qui l'ont rapatrié en Amérique. L'écus, le cheval, n'a pas vu le jour en Europe, mais c'est de l'Europe qu'il est revenu en Amérique. Et il a vu le jour en Amérique, mais à un moment donné, il en manque un bout, et les Espagnols vont le retrouver. Les Espagnols vont le ramener. La race Inca, qui est une race mélangée entre la race, les derniers descendants de la race lémurienne, génétiquement mélangée à la race atlantéenne, vont évidemment avoir l'idée que le dieu va être un être blanc qui va venir chevauchant d'immenses montures. Lorsque l'Espagnol descend là, évidemment, il est blanc et il chevauche des chevaux. Eux autres, ils savent théologiquement, dans leur cosmogonie, le cheval existe plus petit. Et là, ils n'en ont pas en Amérique. Et soudainement, on voit des dieux blancs arriver, montant des chevaux que reluisant les armures. Et les Incas, évidemment, les Mayas, vont tout donner à ces dieux blancs. Et quand on donne toujours tout à un dieu, on se fait toujours fourrer. Bon, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, les Espagnols ont évidemment ramassé les Incas. Il y a énormément de vaisseaux remplis d'or qui hantent encore les fonds de certains océans, simplement parce que le vaisseau avait trop été rempli, puis le moindrement qu'une brise se levait, le vaisseau coulait, hein, pour vous dire. Bon, alors ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si on veut comprendre le phénomène du Québec, il faut comprendre telluriquement certaines choses. Lorsque cette boule en fusion est en phase d'involution, donc lorsqu'elle perd de l'énergie, au profit évidemment de l'univers, elle diminue sa grosseur pour la simple raison qu'elle se densifie. Lorsqu'elle se densifie suffisamment, il vient un moment donné où une terre, ça veut dire qu'une croûte va commencer à sortir. Cette croûte, c'est le bouclier canadien qui scientifiquement est toujours reconnu comme étant la plus vieille terre de surface. C'est d'ailleurs la seule terre qui n'a jamais vécu de tremblement de terre majeur et qui n'a jamais été, coupée par une faille sismique, ce qu'on va retrouver sur le reste des continents de notre planète. L'être humain va naître, évidemment, sur cette Terre, parce que les premières formes de vie vont naître sur cette Terre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire qu'il y a encore l'air et de l'humidité, c'est-à-dire c'est presque de l'eau, mais c'est relativement humide. Cette Terre va donner, à un moment donné, naissance à une forme d'être-té qui n'est pas comme la nôtre, mais ça, on passe là-dessus. J'en parle souvent sur le séminaire que je donne, le séminaire sur l'homme nouveau, où on va plus à fond dans ces choses, mais donc là, on va passer un peu plus rapidement pour en arriver au Québec. Il y a une Terre qui apparaît, à un moment donné, l'hyperborée. Et c'est cette terre qu'Adolf Hitler voulait rechercher, mais il la pensait au pôle Nord, et ça, c'est le bouclier canadien. Alors lui, il recherchait donc à recréer une race parfaite, la race d'hommes bleus aux cheveux blancs, qui était la race aryenne de l'époque, de Rama, c'est pas aux Indes. Alors évidemment, il y avait décalage total, il était manipulé par des forces d'involution qui servaient à engendrer des guerres pour mélanger les races. Adolf Hitler, donc, recherchait l'hyperborée, qui a laissé le nom de Greenland. Si on regarde sur les vieilles cartes, on a encore ce nom. Greenland, terre verte, qui maintenant était transformée pour cause, n'est-ce pas, par Groenland, parce que le Greenland est une terre de glace. Alors, Greenland, terre verte, ça complique un peu. Maintenant, effectivement, elle a déjà été totalement verte, tant que la terre n'était pas suffisamment refroidie. Par la suite, va naître un continent qui va recouvrir la majorité de la ceinture équatorienne de notre planète, ça va être la Lémurie. Et lorsque la Lémurie s'enfonce, c'est d'ailleurs en Lémurie que la Bible va commencer son histoire. Elle parle donc de la scission des sexes. D'un homme, il y aura à un moment donné une structure qui va différencier cet être humain pour qu'il devienne femelle et mâle, de façon à pouvoir prendre l'énergie de reproduction pour créer un centre laryngé permettant la parole et pour créer un cerveau cartésien qui va engendrer évidemment le discernement chez l'homme, donc qui va lui amener, une intelligence associative. On va parler du bien et du mal, à un moment donné, de l'arbre, etc. Là, mais c'est un peu le phénomène dont on va parler. Étant donné que l'être humain n'a plus suffisamment d'énergie pour se reproduire de lui-même, il devra s'accoupler à un autre pour mettre ensemble leur moitié d'énergie pour engendrer la vie. Par la suite, on va vivre l'apparition d'une partie de l'Amérique et de l'Atlantide. c'est en Atlantide que Noé va faire ses premières expériences, et c'est en Atlantide surtout que Noé, qui est un scientifique qui travaille sur la génétique, va évidemment fabriquer une panoplie de races d'animaux, et il va fabriquer deux arches, et lorsque lui pressent que toute la vapeur d'eau qui est dans l'air va s'effondrer, parce que la Terre est toujours en densification, il pressent donc une espèce de déluge, et il va mettre ses deux laboratoires dans deux immenses arches qui, à un moment donné, vont évidemment partir sur les flots. L'une va s'échouer sur le mont Ararat en Turquie, et l'autre sur la Terre de Feu en Amérique du Sud. On va continuer donc l'évolution lentement, sauf qu'à chaque hyper immense changement total, disons dans l'évolution de nos humanités, il y a une espèce d'instinct de migration. Les oiseaux l'ont, le grand monarque, le papillon, il l'a, et il y a une panoplie d'animaux qui l'ont sur les baleines, les otaries, etc. Lorsqu'à un moment donné, ces grands changements dans l'évolution de notre planète, que ce soit la création du sexe, que ce soit la transition lémurienne-atlantéenne, que ce soit la transition atlantéenne-européenne, que ce soit la transition, disons, européenne vers ce qui s'en vient, il y a toujours eu, à l'échelle de l'évolution de notre planète, une migration des races les plus intelligentes vers la première Terre de surface, vers le bouclier canadien. Donc, vers l'origine. Vers l'origine. Alors, on va parler dans les traditions, par exemple, hindoues, du mont Meru. On va parler de l'Éden. On va parler de la Terre blanche. On va parler du paradis terrestre. On va parler de différentes choses qui se s'avèrent à peu près toujours être le lieu où repart quelque chose de neuf. Le mont Meru n'est pas situé, le mont Meru, surtout hindou, n'est pas situé chronologiquement à la même date que le paradis terrestre de notre Bible. C'est normal parce qu'on ne fait pas référence nécessairement au même départ. Sauf que c'est des régions similaires, toujours similaires, qui ne vivent pas de problèmes au niveau sismique, où il n'y a pas de volcans, etc. Et on va retrouver, encore une fois, au niveau, disons, de ce qu'on appelle cet ésotérisme, ou encore l'ésotérisme prophétique, pourquoi on prophétise toujours qu'à un moment donné, ce sera ici, les rois de France le savaient. D'ailleurs, lorsqu'ils ont donné la fleur de lys comme symbole, qui est un symbole hautement, disons, ésotérique, en ce qui concerne le drapeau québécois, par exemple, il y a des choses qui étaient sues. Bon, les Templiers sont même venus cacher la majorité de leurs trésors au Québec, dans un lac, dans des montagnes de Gaspésie. Et encore, on n'a jamais trouvé ce trésor des Templiers, parce que les Templiers avaient bien spécifié que ce trésor serait caché là où jamais l'homme ne pensera aller voir. C'est évident, on n'a aucune preuve historique qui dit que les Templiers avaient des embarcations qui leur ont permis de venir au Québec, mais c'est une chose qui a été faite. Lorsque l'on regarde encore une fois cette migration présente vers le territoire québécois, depuis plusieurs années, l'être humain planétaire, qui a, disons, conscience qu'il est sur une planète, pressent que quelque chose s'en vient. Il y a un bouleversement planétaire qu'on sent. Les scientifiques le savent, ils n'ont qu'à mathématiser l'évolution, disons, psychologique, égoïque, scientifique de l'homme, pour savoir qu'on se dirige possiblement vers un conflit mondial, encore une fois. Il y a les théologiens qui savent, d'ailleurs on parle d'un millénium, on parle d'une parousie, on parle de quelque chose qui vient d'un âge d'or de l'humanité. La Bible parle de 1000 ans, l'âge d'or de l'humanité devrait contenir 13 800 ans, disons, si on veut mettre un peu plus de précision. Faut remarquer qu'à l'époque où elle avance 1000 ans pour l'homme de l'époque, c'est un peu comme l'éternité. Aujourd'hui, on peut donc parler peut-être plus précisément de ces 13 800 quelques années où l'humanité aura un âge, disons, peut-être plus évolutif que l'âge dans lequel il vit. Un âge plus, disons, paisible dans son évolution. Alors, toutes les humanités, toutes les théologies, les cosmogonies, qu'elles soient zen, qu'elles soient bouddhisme, qu'elles soient krishniques, qu'elles soient tout ce que l'on voudra, pressent cette fin du monde. Fin du monde veut dire fin d'un monde. Évidemment, faut le comprendre comme cela se passe continuellement. Et il y a présentement une attraction massive, telluriquement, c'est-à-dire que d'instinct, la majorité des humains qui sont québécois, K-E-B-E-K, sur notre planète, ont cet instinct de migration vers les territoires canadiens, vers une terre promise. C'est évident que ne comprenant pas, ils sont attirés et manipulés énergétiquement, mais ils ne comprennent pas psychologiquement ou consciemment ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent ici, on leur dit qu'ils vont être sous le biais de l'assistance sociale, on leur dit qu'ils n'auront pas ceci, n'auront pas cela. Alors évidemment, ils gueulent contre cette terre promise. Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils ont l'énergie, ils ont le feeling, pour l'instant, parce que c'est ce qu'on vit. Bon, mais ça concerne le bouclier canadien, donc ça, on peut se le dire. On peut parler de deux phénomènes intéressants. Bon, la migration, ça c'est un phénomène relativement intéressant, et le manque de naissance. Premièrement, la majorité des enfants qui naissent depuis 1975 dans la région du Québec sont des enfants nouveaux. C'est-à-dire qu'ils proviennent d'un mélange génétique permettant à des intelligences réelles, de pouvoir être, de pouvoir communiquer par ses corps, sans détruire ses corps, et pouvant donc, par ce fait même, acquérir une expérience au niveau terrestre, tout en même temps transmettant à l'échelle de notre planète une expérience qui provient d'un autre monde, ce qu'on appelle, nous, le plan supramental, qui peut évidemment être appelé le plan de l'esprit aussi. Bon. Alors, l'être humain, présentement, qui naît de plus en plus, j'ai fait des conférences dernièrement sur savoir reconnaître un enfant nouveau, j'en ai fait 3. Bon, il y a une conférence dimanche, pas dimanche qui vient, dimanche de la semaine prochaine. Le 12. Oui, c'est ça, le 12, qui est savoir éduquer l'enfant nouveau. Et il y a des possibilités, à un moment donné, qu'il y ait des émissions de télévision, des séries faites, justement, en collaboration avec des pédagogues sur ce phénomène de l'enfant nouveau. Parce que de plus en plus, la psychiatrie, la psychologie, la pédagogie découvrent qu'il y a effectivement des enfants incassables, des enfants nouveaux. Est-ce que tu pourrais expliquer, effectivement, comment se fait-il que le Québécois est une race à part? Ça a un lien, semble-t-il, comme tu l'exprimes, avec la naissance de l'homme nouveau. Oui, bon, effectivement. On me demande souvent, est-ce que vous dites que le Québec, c'est la terre privilégiée parce que vous êtes Québécois? Et la réponse la plus authentique que je peux donner, c'est non. C'est que moi, je suis venu au monde au Québec parce que c'était au Québec que c'était pour se passer. Donc, c'est tout à fait différent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'individus avec qui naissent au Québec parce que c'est au Québec qu'ils doivent naître. Il y a des évidemment des individus qui vont naître et qui vont s'en aller, transmettant de l'expérience un peu ailleurs. J'ai déjà donné des exemples avec de choses nouvelles qui naissent au Québec, mais d'ici les dans les décennies qui vont venir, il y a immensément de structures nouvelles de connaissances au niveau scientifique, au niveau pédagogique, au niveau médical, au niveau philosophique, au niveau social, qui vont partir du Québec pour s'étendre à l'échelle de notre planète. Maintenant, il faudra attendre évidemment qu'il y ait une espèce de purge mondiale avant que le Québec puisse réellement prendre un essor planétaire. Bon, mais ces choses-là, c'est des choses qui doivent arriver et qui vont arriver comme ça va arriver, mais pas comme l'homme s'attend à ce que ça arrive. Bon. Le Québécois, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous, vous savez sans doute maintenant, la médecine le reconnaît y étant. Maintenant qu'elle le reconnaît, certains vont dire que c'est vrai. Ça a toujours été vrai, même si on ne le reconnaissait pas. Que l'être humain est conçu de molécules, d'atomes, donc de phénomènes matériels, mais que ces atomes sont manipulés, sont énergisés par une force qui s'appelle la force d'attraction, une gravité, qui engendre aussi un déplacement d'électrons qui peut engendrer des courants électromagnétiques comme des courants électriques. Le système nerveux de l'homme fonctionne comme ça, fonctionne par dépolarisation, disons, chimio-électrique. Et l'être humain peut enregistrer les ondes alpha que le cerveau de l'homme émet, les ondes bêta qu'il émet. On peut mesurer son activité électrique par un électroencéphalogramme. On découvre ce genre de choses. Depuis longtemps, on connaît aussi qu'on sait que l'être humain est constitué mémoriellement par quelque chose qui portait le nom théologique de vie et qui peut porter le nom scientifique d'énergie vitale. L'énergie yin, l'énergie yang, l'énergie sur laquelle les acupuncteurs vont travailler, sur laquelle souvent la chiropratie va travailler, l'acupressing va travailler, et l'électrostimulation peut travailler aussi, l'électrothérapie. L'être humain est conçu, donc, au niveau du corps, de deux formes de choses, deux molécules et d'une mémoire énergétique qui fait en sorte que les molécules conservent leur forme et, assujetties à l'évolution de la psychologie, vont lentement transformer leur forme pour exprimer l'évolution de la psychologie. Ce qui va faire en sorte que les lignes de la main vont un peu révéler ce qu'on est, que les visages vont révéler un peu notre psychologie, etc., et qu'on va arriver à avoir des cancers, qu'on va arriver à avoir des ulcères d'estomac, des problèmes cardiaques, des problèmes d'angine, par le fait qu'on vit des émotions qui souvent sont négatives de notre corps physique. Donc, la psychologie peut lentement altérer et transformer le corps. Le corps vital est de deux formes. Yang, solaire, et yin, tellurique. L'énergie tellurique dépend de la radiation émise par les sols. Le sol du Québec a une haute radioactivité, c'est-à-dire qu'avec un compteur GGR, on peut la détecter et la calculer. Une radioactivité qui, évidemment, n'est pas dangereuse pour le corps de l'homme, mais qui quand même a un effet sur lui. Il y a différentes parties de notre planète qui ont des radioactivités relativement intéressantes, et le Québec en est une par rapport à ce qu'on appelle l'homme nouveau. Une race, un enfant qui vient au monde dans un territoire où les parents ont vécu au moins une génération, vient au monde à partir d'un corps physique qui s'est alimenté normalement, à partir des aliments du Québec. Et on va voir de plus en plus qu'on aura, et c'est déjà d'ailleurs commencé, une tendance chez les Québécois à faire un retour vers l'alimentation naturelle du Québec, une alimentation de plus en plus biologique, comme les poulets sont au grain, puis aux hormones, et de plus en plus on s'en va vers une alimentation biologique. On parle d'aliments irradiés. L'aliment irradié va, plus ça va aller au Québec, ça n'aura pas une grande prise, parce que l'humain, d'ailleurs, va obliger les centres d'achat, même les grandes firmes, à avoir des aliments biologiques, des aliments conventionnels chimiques et les aliments irradiés au niveau de la conservation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la carotte du Québec n'a pas la même constitution atomique. Donc, n'a pas la même constitution réelle en poids et mesure, en quantité, que la carotte européenne ou que la carotte floridienne. Le fait de manger, le fait de boire de l'eau, on n'importe pas l'eau encore. Le fait de, enfin, on importe un peu, mais la majorité boivent de l'eau d'ici. Et l'eau A est le grand transporteur de l'énergie tellurique, donc l'énergie de notre planète, l'énergie Yin. Le fait que l'être humain vit dans une atmosphère qui est tout à fait telluriquement propice, disons, approprié à ce qui est biologiquement, chimiquement, géologiquement et physiquement conçu, cela veut dire que les corps physiques des hommes qui naissent sur un territoire particulier ne peuvent pas avoir la même constitution énergétique que d'autres. Est-ce que le Québec, c'est supérieur, c'est à part? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre psychologie se transmet par le corps physique, par un cerveau et par un système endocrinien de façon à exprimer la colère, la gêne, l'angoisse, l'évolution, la compréhension, l'illusion, la philosophie, la théologie, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la constitution atomique du neurone, la cellule cérébrale, elle va dépendre dans sa vibration, donc dans sa vitesse de vibration, ainsi que dans sa possibilité d'être assujettie, disons déformé, on pourrait dire dépolarisé par de l'énergie, va dépendre de sa constitution atomique. On sait qu'un neurone, normalement, est conçu de telle par telle, telle, telle, telle molécule. Sauf que l'espace occupé, la distance entre l'électron et le proton, la distance entre chaque molécule entre elles, va donner, va influencer énormément la faculté qu'aura le neurone à être dépolarisé, donc à être transmetteur de la psychologie. Juste deux secondes. Étant donné que l'âme qui, disons, prend possession d'un corps à sa naissance, l'esprit reste dans le plan moronciel, c'est-à-dire que l'esprit ne meurt pas, il ne va pas dans le monde de la mort. Lorsqu'il y a une réincarnation pluranitaire dans un corps particulier, l'âme aura une faculté et surtout l'intelligence supramentale, donc intelligence instantanée, l'esprit, aura la facilité à pouvoir dépolariser un cerveau qui aura une constitution vitale particulière et cet même esprit ne pourra pas dépolariser un autre cerveau qui aura une autre constitution particulière. Je veux dire que dans le monde de la mort, dans le monde de la mémoire, ce qu'on peut appeler le ciel aussi ou le nirvana, quoique le nirvana et le ciel représentent normalement la partie hautement évolutive du monde de la mort et le reste, la partie purgatorielle et la partie, disons, terrestre, la partie infernale, il y a des cerveaux qui, et ça on peut le constater si on veut se donner la peine de vérifier dans des livres de psychologie ou des livres d'histoire, qu'il y a des races qui sont belliqueuses, des races qui sont guerrières. Il y a des races qui sont scientifiques. Il y a des races qui sont des constructeurs. Il y a des races qui vont être des personnes qui vont être des races complètes qui se voient à l'art. Il y a des races qui vont être d'un snobisme presque aberrant. L'Angleterre, par exemple. On peut parler de Rome en tant que société constructiste. On peut parler de l'Égypte qui, à un moment donné, vivait d'une tellurie, disons, théologico-constructive, mais qui a toujours vécu d'une tellurie de guerre. On peut parler, par exemple, de la Grèce. On avait deux telluries tellement différentes en Grèce qu'on avait majoritairement Athènes, qui était une ville de l'art, et on avait Sparte, qui était une ville de guerre. Bon, on a les États-Unis qui sont des Romains, hein. On a le Québécois qui est une race particulière. On a le Japon qui a une tellurie tellement particulière qu'on a eu une féodalité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec les kamikazes, où on avait un système tout à fait particulier à cette Bushido, le code d'honneur du guerrier des samouraïs. On avait la Chine qui, à toutes les décennies, s'entretuait et faisait tomber des milliers de têtes. Même des centaines et même des millions de têtes, la Chine qui s'amusait à faire des choses. On a eu, à un moment donné, une tellurie particulière qu'a créée l'Allemagne, qui est une race orgueilleuse, fière, et ce n'est pas nécessairement une race de guerriers, mais si on leur donne un petit peu de raison de se battre, malgré vu leur ego et leur orgueil de fierté, ben, ils vont y aller, convaincus évidemment qu'ils font bien, ce que font toutes les races. Alors, on a effectivement, selon la tellurie, des cerveaux et des systèmes endocriniens différents qui vont permettre l'expression d'une âme particulière et qui vont permettre l'expression d'un esprit similaire, mais de façon différente. Le Québécois donne présentement naissance à des corps biologiques à des enfants qui sont capables d'entrer en résonance avec leur esprit plus rapidement que la majorité des individus. Parce que je parle du Québécois, je ne parle pas de la race jaune, je ne parle pas de la race noire, je ne parle pas de la race blanche, je ne parle pas de la race rouge, je parle d'une race neuronique. Donc, la cutanée n'a rien à voir. Ça dépend de l'alimentation, ça dépend du nombre de temps qu'on passe ici, ça dépend de différentes choses. Et évidemment, il y a de l'ectopicité. C'est-à-dire qu'il y aura des hommes nouveaux, donc de ces Québécois, qui vont naître dans des cutanées de couleurs différentes, un peu ailleurs sur la planète Terre, mais qui auront cette maudite tendance à douter de la tradition ou à la comprendre et à vouloir l'expliquer mieux, qui auront une maudite habitude, celle d'amener des choses neuves, faisant frémir de jalousie ou de peur l'homme ancien, qui auront la tendance, l'habitude à être capables de rester seuls un mois de temps sans s'ennuyer puis sans se suicider. Hein? Ils auront une maudite habitude à vouloir se prendre en main pour se soigner, pour s'alimenter. On va leur dire telle chose, c'est bon. Ils vont dire, ouais, mais je vais expérimenter. Alors, évidemment, ça enrage les théoriciens conventionnels. Ils auront une manie bizarre à être diplômés en génie civil puis à être un très bon médecin. Ou être diplômé en psychologie puis à être le meilleur des mécaniciens. Ou être diplômé en mécanique puis à devenir un grand psychologue. Tandis que l'homme ancien est diplômé en psychologie et psychologue, il est diplômé en mécanique et mécanicien, il est diplômé en génie et génie. C'est un ingénieur. Alors, il y a cette maudite race qui tend à naître, qui fait qu'à un moment donné, on aura la personne qui va dire « Oui, mais je peux pas passer toute ma vie à travailler pour faire gagner de l'argent. » On va dire « Oui, il y en a beaucoup qui ont dit ça. » Effectivement, parce que ça, l'esprit communique un peu. Ils l'ont dit, ils n'ont rien fait. Le Québécois est la race la plus instable qui n'est pas sur la planète. Ça lâche une job, ça s'en va sur le bien-être, ça veut lâcher le bien-être sans travailler. C'est toute une aventure, en tout cas. Relativement intéressante. C'est un fait. Il y en a plein qui, bon, ils veulent partir leur propre business. On va dire, oui, mais aux États-Unis, ils font ça souvent. Oui, mais la société, elle est faite pour. Au Québec, tout est fait pour qu'on parte pas en affaires. J'en sais quelque chose, je suis en affaires. Hein, c'est drôlement bien en Ontario ou encore aux États-Unis. Puis c'est là qu'on a le plus de personnes, à un moment donné, qui essayent de devenir fous. On a beaucoup de femmes qui se lancent en affaires. En proportion, on a beaucoup plus au Québec qu'ailleurs. On a de ce genre de phénomène intéressant. Bon, une race folle. La tellurie, l'énergie qui constitue l'aliment, c'est pourquoi que le Québécois va de plus en plus faire attention à la pureté tellurique de ses aliments. Le Québécois ne deviendra pas, à un moment donné, une nation fermée. Quand je parle du Québécois, on parle de l'homme nouveau. Ce Québécois est une race à part. Jamais il ne va dire, nous sommes supérieurs. Ce que l'Allemagne a fait, et l'Allemagne s'est gourée. Ce que Rome a fait, et il s'est perdu. Ce que l'Égypte a fait, ce que la Grèce a fait, ce que le Portugal a fait, ce que l'Espagne a fait, ce que l'Argentine a fait, ce que d'autres ont fait, et ils se sont perdus. Le Québécois va comprendre l'intelligence d'accueillir sur sa terre son propre peuple, même s'il est venu au monde ailleurs. Il est devenu planétaire malgré lui. Il va devenir planétaire, mais évidemment, faut le laisser germer. Mais veut pas, le Québécois est une race à part. Mais tu parles de tellurie. Y a-tu des endroits où est-ce qu'au Québec qui sont plus favorables que d'autres? Oui. Bon, le problème, évidemment, c'est qu'on a de l'orgueil et on a de l'ego. Lorsque l'on se fait dire que tel territoire est un territoire propice à l'évolution de l'homme ancien, puis qu'on se pense homme nouveau, puis qu'on vient d'acheter une maison là. Mais là, on va dire, bon, c'est ce qui compte là. Puis tout ça, quand je vais dire, ce territoire-là, il est parfait, puis qu'il vient d'acheter une maison là, vont dire, hey, ça, c'est un gars intelligent. Ça, l'orgueil. Ça fait qu'on comprend rien, mais on y va par politique, on vote. Hein? Bon. Il y a effectivement des phénomènes telluriques sur la planète. Il y a des régions où on ne doit pas construire. De plus en plus, la science domiciliaire, c'est-à-dire la médecine de l'habitat, commence à se servir des foutus appareils que se servaient les sourciers pour détecter les ondes de croisement telluriques sur la surface du sol pour ne pas bâtir une maison là. Au mieux, tu fais pas la chambre à coucher là, ils vont mal dormir. Bon, ça commence à se savoir. Maintenant, vous allez dire, on n'applique pas ça dans les villes. Mais non. T'sais, parce que dans les villes, on bâtit une à côté de l'autre. On rentabilise, puis on se fout carrément des gens. Bon. Mais effectivement, une personne qui est riche, un architecte veut se faire bâtir quelque part en campagne, normalement, va faire attention, va vérifier. Parce qu'il y a des appareils électroniques maintenant qui peuvent le vérifier. Et on a encore ces baguettes, par exemple, qui vont se croiser. Hein. C'est facile à faire, mais on peut s'en servir encore. Quand on pense que l'Hydro-Québec se sert de temps en temps d'un sourcier, que Golf Canada, que Petro-Canada prennent un bonhomme avec une baguette, un pendule ou un cassin comme ça, ils le mettent dans un avion, puis ils survolent le territoire du Québec ou du Canada ou de la mer de Beaufort. Parce que c'est plus économique de laisser faire le zigoto. Puis quand ils pensent qu'il y a du pétrole quelque part, ben ils vont sonder là, puis ils en trouvent. C'est économique. Parce que comment voulez-vous trouver du pétrole? On n'est pas pour commencer à planter un piquet à tous les 50 pieds sur le territoire complet de la planète. Alors, on invoque des zigotos comme ça, et puis ça marche. Bon, mais de plus en plus, la science commence à se rendre compte que même l'appareil électronique a suffisamment de qualité pour les détecter. Alors, si on vient d'acheter la mauvaise place, c'est pas grave. À un moment donné, vous vendrez à bon prix, vous acheterez à meilleur prix ailleurs. Il n'y a pas de panique. Ce qui voudrait donc dire, tu sous-entends que finalement, tout à l'heure, le gars qui pense qu'il est dans un milieu d'homme nouveau, donc il s'identifie à ça, mais c'est que c'est pas, on décide pas d'être homme nouveau. Non, mais je parle pour le snob qui, à un moment donné, vit du sommet de l'évolution puis qui aime ça à être quelque chose de mieux. C'est sûr que quand tu te vends d'être un homme nouveau, t'es au pire un homme ancien, au mieux un homme transitif. Parce que l'homme nouveau, il faut réellement de savoir, ouais, c'est un homme nouveau, on s'en balance, hein, bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va délimiter un peu une partie dans la région de la province de Québec, mais faut pas se garocher, il y a encore quelques années, il y a encore au moins deux ans et demi où le système économique va bien fonctionner. Par la suite, ça sera à revoir, et il y a encore quelques années avant qu'il se passe des choses peut-être un peu plus digestives. Mais ça veut dire qu'on va gérer des choses. Bon. On ne dirait peut-être pas ce qui va se passer, mais enfin, il y a un grand gesteur qui a passé. Oui, mais ça m'amène à poser une question. Je vais juste répondre à celle-là avant. Retiens la question. Alors, si on regarde la plaine du Saint-Laurent, c'est une région extraordinairement propice à l'homme transitif. C'est dans cette plaine du Saint-Laurent que va se passer, il y a des exceptions dans tout. Bon. C'est sur cette plaine du Saint-Laurent que va se passer la majorité de l'apparition de l'homme transitif, et c'est dans cette plaine du Saint-Laurent que va naître normalement l'homme transitif et l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de personnes anciennes qui vont se mettre au monde de leur vivant, donc qui vont devenir quelque chose d'autre. Qui, à un moment donné, vont dire « Tabarnouche, ça n'a pas de sens ». Et qui vont conscientiser quelque chose de grand. Ça va leur faire peur, ça va les traumatiser. Ça va leur faire... ils vont finir par se faire traiter d'anormaux et d'imbéciles et de sans cœur par les autres. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai écrit le livre « La différence ». Et on a surtout Montréal. Mais Montréal, c'est là que ça se passe. Bon. Lentement, ça va s'étendre vers d'autres villes, lentement. Mais c'est à Montréal que ça va se passer. C'est évident que quelqu'un qui reste à Québec, ou à Chicoutimi, ou à Amos, ou à Rouyn, ou à Sherbrooke, ou etc., il n'y a pas immensément de problèmes. La majorité de ceux-là ne s'intéressent pas de toute façon à ce qui se passe au niveau de transition, et ce n'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, ils vont être réveillés quand ce sera leur temps, ça vaut pas la peine d'aller réveiller quelqu'un qui n'a pas affaire là. Bon, ils se réveillent à d'autres choses, ils vont fournir des légumes, ils vont fournir des choses, ils vont pouvoir profiter évidemment de l'expansion économique du phénomène de l'homme nouveau. Bon, mais ça se passe, disons, principalement à Montréal, et ça qu'on le veuille ou non. Une personne à Québec peut être transitive. Une personne sur la Côte-Nord peut être transitive, mais elle, où elle se déplacera, où elle fera venir des livres, des cassettes, elle se renseignera. Mais on parle collectivement, c'est à Montréal que ça débute. Et ça, on peut le constater, c'est un fait, ça commence là. Bon, c'est normal aussi, le plus grand centre. Tous les cantons de l'Est vont être le support spirituel de l'homme ancien. Pendant longtemps, tout ce qui était évolutif a pris naissance et a eu, disons, un siège social dans les cantons de l'Est. On a eu plusieurs centres dans les cantons de l'Est. On a eu des centres de yoga, on a eu des centres d'évolution, on a eu des centres de développement humain, on a eu des centres de croissance personnelle, on a eu une panoplie de centres qui sont de plus en plus en train de se reformer, de faire faillite et de fermer. C'est normal, parce que l'humain, ces centres-là étaient géniaux. Ils ont permis à des hommes, à des femmes, à des enfants de voir des choses. Mais voyant des choses, ils rentrent en vibration avec une autre forme de tellurie et lentement migrent. Et les personnes qui ont été là, souvent, ne voient pas cela. Et effectivement, ils doivent fermer parce que la clientèle qu'ils avaient avant, ils les ont aidés à grandir. Et maintenant qu'ils sont grands, ben évidemment, ils partent. C'est normal. Bon. La plaine du Saint-Laurent, présentement, sert de transition. Maintenant, tout ce qui est au nord. Si on n'a pas de fleuve à traverser vers le nord, on est sur le territoire énergétique du bouclier canadien. C'est-à-dire que d'ici quelques années, il y aura de plus en plus de terres, de maisons dans le nord qui vont se voir dévaluer. Parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui voudront déménager, quitter, fuir le nord. Évidemment, ils vont dire c'est à cause des maringouins. Il y en a moins dans le sud. Il faut se donner des raisons. Mais ils voudront fuir le nord. Donc, il y aura lentement une migration qui va s'installer du nord vers le sud. Alors là, ça sera un signe, ça sera le temps pour l'individu qui est ici, qui se cherche déjà quelque chose dans le nord. Ben, il y en a qui vont déjà déménager dans le nord, ça va. Mais il n'y a pas grand place, pas encore. Dans le sud, ça coûte rien. C'est sûr, personne ne veut y aller. Quand ils vont commencer à vouloir y aller, ça va monter. Tandis que là, ça va descendre. Alors, ceux qui ont déjà acheté quelque chose dans le sud, ben leur valeur va commencer à monter. Tandis que dans le nord, ça va descendre. Alors, évidemment, la transition se fait intelligemment. La majorité ne s'en rendront même pas compte. Ils vont simplement déménager là où ils doivent aller vivre. On peut constater qu'il y a beaucoup d'individus ici, je suis convaincu, que s'ils vont coucher dans un hôtel d'un canton de l'Est, ils ne dormiront pas aussi bien que si c'est dans les Laurentides. On marche dans une forêt des cantons de l'Est, c'est humide. On marche dans le bois, c'est un bois intéressant. On va dans le nord, puis c'est tout à fait différent. C'est ionique. Il y a une autre flore, c'est normal, l'énergie tellurique permet à des végétaux, à des arbres, à une autre flore de pousser là. Il y a une autre faune avec, les animaux ne vont pas plus bas parce qu'ils restent dans leur tellurie. Et on peut aller là à un moment donné, puis on se sent fatigué. Hein? Tu viens d'arriver dans des Laurentides, puis on dirait que tu veux toujours dormir. Bon, tu as besoin d'un ressourcement énergétique et après 2-3 jours, si tu te laisses dormir, là, tu peux vivre convenablement là. On va dans le sud et souvent, c'est différent. Bon, ça dépend des humains. La personne qui a encore un corps humain, disons, un corps physique qui est transitif, mais qui est peut-être plus rapproché de l'homme ancien, et je répète, ce n'est pas un défaut d'être un homme ancien. C'est un état de choses. Ça mute, ça transite quand c'est le temps. Bon, c'est comme de dire qu'à un moment donné, c'est intelligent de se faire circoncire, ben il ne plaise que rocher à l'hôpital pour se le faire faire. Bon, oui, il y en a qui en avaient besoin parce que c'est frère de phimosis. Bon, il y en a qui n'avaient pas besoin. Fait qu'à un moment donné, il faut pas mélanger les sauces. Alors, l'homme, à un moment donné, qui se sent bien dans les cantons de l'Est, qui vit bien là, doit rester là. Faut pas qu'il dise, ah oui, ben l'homme nouveau, il est dans le Nord, ça veut dire que moi, j'étais le cave. Ça n'a rien à voir. Il y aura des hommes nouveaux qui vont vivre dans les cantons de l'Est parce qu'ils auront une fonction, à un moment donné, à faire là. On la décide pas. On y va selon le feeling. Vous savez ce que c'est, le feeling? Faut commencer à l'écouter. Parce que le feeling se rapproche bien gros du savoir instantané. On sait pas pourquoi, on l'a pas appris, mais on est sûr. Ça, savoir instantané. Quand on ne l'a pas par la parole, on commence au moins par l'avoir au niveau du vécu. Tu vas quelque part, puis tu te sens bien. Ben, dis-toi pas que, oui, mais ça, j'ai pas appris. Oui, ben là, mon prof, mon guide, mon gourou, m'a dit que j'étais pas à bonne place. Tu te sens bien. Laisse faire le gourou. Là, tu te sens bien. C'est une belle place. Tu vas aller visiter un pays, puis en arrivant là, t'as l'impression d'être chez toi. Telluriquement, effectivement, il y a sans doute des connotations génétiques qui proviennent de là. Tu te sens chez toi. Puis à un moment donné, c'est assez. C'est parfait. Là, tu décolles. C'est plus nécessaire d'y aller. Bon. Alors, il y a toute une phénoménologie tellurique qui est importante à tenir compte. Les personnes, donc, on parle de territoire énergétique. Ben, si on veut parler du Québec, ça va de soi que présentement, ça se passe à Montréal. Ça va se passer transitivement sur la plaine du Saint-Laurent. Ça va se passer ectopiquement au niveau des cantons de l'Est. Mais vous pouvez vérifier le nombre de centres qui se sont ouverts dans les cantons de l'Est. Le nombre d'écoles, le nombre de ceci ou de cela, foyers ressources ou ce que vous voudrez, puis vérifiez, la majorité ont tout changé pour essayer de survivre, et la grande majorité ont déjà fermé leurs portes. Bon, on peut vérifier, ce n'est pas, quelque chose que je lance comme ça, on peut vérifier. Et le Nord, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas gros. Puis lentement, ça va commencer à naître dans le Nord. Alors, les territoires, oui, le Nord. Pas de fleuve à traverser, c'est bon. Militairement, c'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas, quand on n'a pas de pont à traverser, quand il faut sacrer son camp, c'est sûr, tu sais. On annonce qu'une bombe nucléaire est au-dessus de Gaspé, c'est arrivé à Montréal. Ouais, ben alors, de pointe, quand il n'y a pas de panique, puis avec un tiers des véhicules qui roulent, tous les ponts sont pris. En panique, avec 100% des véhicules, comptez-y pas. Bon. Ben, on parle de stratégie. Tout compte fait, je veux dire, l'homme nouveau naîtra au Québec, en particulier, le Québécois... Raison, deux secondes, je t'arrête. Ça me passe comme ça, autant en profiter. Encore, on parle de parler, mais le bonhomme ici, là, Michel de Notre-Dame, pauvre type, que Dieu son Dieu, comment on dit ça? J'ai oublié ça, là, en tout cas. Bon, en tout cas, ouais, bon. Il a prophétisé des guerres. Le Québec est intéressant aussi parce qu'on est sans doute l'un des peuples qui va être le plus aimé du peuple qui va engendrer la guerre. C'est intéressant. Et qui est ce peuple? Oh, sans doute l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Si elle n'engendre rien, tant mieux. Mais si elle engendre, on est déjà les amis des Américains, pas de danger de leur part. Mais étant donné qu'on était des séparatistes, presque communistes, indépendantistes, assez que sa planète, quand je lis des livres, à un moment donné, j'ai lu des livres dernièrement sur les événements mondiaux 86. Puis on décrit le Québec. Tabarnouche, il n'y a personne qui sait réellement quel régime qu'on est. Il n'est pas. Alors, les Américains sont sûrs qu'on est un peu comme eux autres, mais on est dangereux. Parce qu'ils ont même des plans, hein, bon. Les Russes sont convaincus qu'on est facilement, fait qu'ils vont s'occuper de tout le monde s'il y a une guerre, mais ils vont laisser tout le monde tomber un peu. En tout cas, il y a bien des raisons qui fait que c'est mauditement bien fait, puis le Québec, ben évidemment, il va y faire fret, mais c'est bon. Ouais. Quel sera le rôle finalement? Bon, ça c'est une question qui était pas mal d'envergure. Quel sera le rôle du Québec dans l'avenir? Ouais. Le Québécois étant un être extrêmement médiocre dans son éducation, lorsqu'on lui dit que c'est lui qui va à un moment donné changer des choses, ben ils vont se coucher. Et si possible, en dessous du lit. Bon. Il y a encore énormément de peuples sur la Terre qui sont convaincus que ce sont les peuples élus. Mais il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de peuple élu. Ce sont normalement ces peuples-là qui se sont votés eux-mêmes. Puis c'est un fait. Bon. Le Québec aura premièrement, c'est sur cette Terre que va naître l'homme nouveau. Du Québec va partir la grande tout ce qui va bouleverser. Disons simplement qu'il y a une transition planétaire qui s'en vient. Il y aura des guerres entre certains pays. Il y aura des guerres internes à des pays parce que la grande guerre que l'humain a peur va refléter énormément une guerre civile planétaire. Et ça, on ne l'a pas envisagé, mais c'est un phénomène intéressant à constater. Bon. Le Québec sera, et je répète que je ne dis pas ça parce que je suis Québécois, parce que sinon je déménagerais, c'est plus compliqué que ça. Ça sera ailleurs. Et le Québec va être, c'est le peuple du Québec, et on parle du Québec et lentement ça va s'échelonner au niveau du bouclier canadien, je le répète. Le Québec va être le peuple qui va restaurer la planète dans la transition de l'évolution humanitaire qui s'en vient. Elle peut se faire par le feu, elle peut se faire par le sang, elle peut se faire par d'autres façons. Ce n'est pas nécessaire qu'on passe par des apocalypses, style apocalypse nord, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas nécessaire qu'on passe à ce genre de choses, sauf que présentement, on y va lentement. Albert Einstein était un grand érudit. Il a dit une chose à un moment donné, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, on l'a faite. S'il y a une Troisième Guerre mondiale, elle sera à coup de bombes nucléaires, et la Quatrième sera à coup de bâtons et de roches. Bon. Sauf qu'Albert avait évidemment cette énergie lui permettait, il avait ce savoir instantané parce que c'était un aliéné mental, son professeur à l'école, les professeurs l'ont mis dehors parce qu'il comprenait rien. Et un bonhomme qui transmet des théories absolument abracadabrantes sur la relativité, sur la vitesse de la lumière, sur le calcul même du temps, sur l'illusion de l'espace-temps, parce qu'Albert Einstein a été le premier à dire que le temps n'existait pas, qu'il était une quantité d'espace et que l'espace était une quantité de temps. Bon, et ce n'est pas encore tout à fait compris, quoi qu'on commence à avoir des idées au niveau d'astrophysique. Sauf qu'Albert Einstein a, à un moment donné, amené des théories extraordinaires. Des théories, bon, moi je parle, on me traite de fou, lui on me traite de fou avec. Sauf que moi, j'étais suffisamment intelligent pour pas qu'on me mette dehors d'école. Je me suis mis moi-même, bon. Et lorsque Albert Einstein est arrivé et où il a commencé à dire que le temps pouvait être courbe, que les galaxies étaient sans doute en mouvement, en expansion, et qu'à un moment donné, l'expansion des galaxies ferait que, naturellement, elles redeviendraient en régression. Ça ne pouvait pas être compris. Je dis souvent que le rôle cosmique de l'homme, sa fonction est de mettre fin à l'évolution expansive de l'univers, de la création. C'est ce qu'Albert Einstein avait amené mathématiquement et il n'a pas réussi à descendre sa mathématique jusqu'à ce que les savants d'époque puissent comprendre. Donc, il n'a pas réussi à prouver ce qu'il disait. C'était vrai, mais il comprenait pas, donc il peut pas le prouver. Comme ces autres qui avaient l'autorité, pas lui, ben évidemment, c'est pas prouvé. Alors, Albert, à un moment donné, a commencé de colorer et il a essayé de créer une théorie de l'univers où les galaxies sont fixes. Ça a été accepté. Ceux qui, à un moment donné, s'intéressent à l'évolution, vous pouvez acheter certains livres que certains, on a un Québécois d'ailleurs, un Canadien, qui a écrit un livre dernièrement, je ne me rappelle pas du titre, mais qui est un livre drôlement intéressant sur, justement, ce phénomène des galaxies. Et on sait maintenant qu'Albert Einstein a fait une erreur en parlant de monde fixe, parce que maintenant, on a la preuve, parce qu'il y a une dégradation vers le rouge lorsqu'on fait, disons, des spectroscopes des galaxies. Il y a la preuve, maintenant, on a la preuve que l'univers est en mouvement. Lorsqu'Albert a commencé donc à colorer ces choses-là, ben évidemment, il colorait son contact avec l'intelligence instantanée. Et c'était d'ailleurs le mieux qu'il pouvait supporter au niveau biologique. Et lorsqu'il a dit que la Quatrième Guerre mondiale se ferait à coups de roches et de bâtons, il voulait sans doute dire que c'est des enfants qui joueraient à ce qui s'est passé, parce qu'il n'y aura pas de Quatrième Guerre mondiale, et la société va...